Balancez vos dames par Jip. Lorsqu'elle et Dumanet, c'est-à-dire Madame Dumanet, car Monsieur n'existait qu'à l'état nominatif, eut accordé la main de sa fille Sylvie au jeune Paul Matou de la Mayonnaise, il fut décidé que l'on irait à Paris pour choisir la corbeille et le trousseau. C'est même la perspective de ce voyage en temps d'exposition qui avait décidé Madame Dumanet à marier Sylvie. Elle avait hésité entre l'ennui de devenir grand-mère alors qu'elle n'avait pas, tant s'en fallait, renoncé à plaire, et la joie d'un séjour prolongé à Paris, où elle n'était pas allée depuis son voyage de noces, le voyage à Paris étant traditionnellement réservé, dans la famille Dumanet, à la veille ou au lendemain des cérémonies matrimoniales. Sur ce point, sur celui-là seulement, M. Dumanet avait été toujours intraitable. Il connaissait bien sa femme et redoutait pour elle les entraînements de dépenses, sans compter les autres. Mais cette fois, en un voyage familial entre sa fille et son futur gendre, la belle Joséphine, c'est ainsi qu'on appelait à Pont-sur-Orne Madame Dumanet, n'aurait aucune latitude de mal faire. Et puis elle était à présent du mauvais côté de la quarantaine, et il semblait, c'est toujours le mari qui jugeait ainsi, qu'elle eût passé l'âge de la gaudriole. Lorsque Paul Matou de la Mayonnaise annonça son intention d'aller à Paris pour choisir les robes et les bijoux de sa fiancée, la future belle-mère décida illico que pour ne pas séparer les amoureux et aussi parce qu'il fallait s'occuper du trousseau de Sylvie, on irait tous les quatre à Paris. Monsieur Dumanet, un sympathique imbécile, chercha d'abord à démontrer que Pont-sur-Orne offrait des ressources suffisantes pour un trousseau de premier choix, mais sa femme lui imposa silence, en affirmant, avec raison d'ailleurs, qu'il n'entendait rien à ces choses-là. Il résista faiblement. Son pauvre petit cerveau sans pensée avait de la lutte, quelle qu'elle fût, un effroi comique et touchant. Puis, mais cela il se garda d'abord de le dire, il réfléchit que jadis, à l'époque où il faisait son droit, le futur gendre avait mené à Paris une vie de bâton de chaise et qu'il serait peut-être imprudent de le laisser voguer sans gouvernail vers les Fredaines d'antan. Ce sage raisonnement, monsieur et madame Matou de la Mayonnaise le firent également en apprenant le voyage de leur fils. Au rebours des Dumanet, c'était, chez les Matou, la femme qui était ronde, insignifiante et bonne et le mari qui était grotesque et poseur. À la Mayonnaise, le petit Castel qui remplissait Madame Dumanet l'envie et son mari d'admiration, M. Pamphile Matou régnait seul et absolument. Grand, long et flanqué, avec énormément de prétentions et une certaine allure, le châtelain de la Mayonnaise représentait assez exactement le hobereau type de la province normande. Ignorant comme une carpe, embêtant comme personne, vide de pensée et plein de morgue nobiliaire, passant à lire l'armorial le temps qu'il n'employait pas à chasser, incapable de juger sainement quoi que ce fût, verbeux sonores et creux, racontant les potins de la veille et inventant ceux du lendemain, M. Matou de la Mayonnaise, surnommé à Pont-sur-Orne « la pluie qui marche », avait, à l'entendre, eu beaucoup de bonne fortune et fait nombre de malheureuses en n'écoutant pas tous les vœux qui s'offraient à lui, tandis que sa femme, moins sotte et très dévouée, s'occupait de son intérieur et élevait soigneusement son fils. Dans la maison, décorée du nom de villa, que les Dumanet possédaient au milieu d'un joli jardin à l'extrémité d'un faubourg à Pont-sur-Orne, Madame Dumanet commandait en maître, terrorisant son mari, ses domestiques et sa fille, qui restaient comme hébétés et sans aucune initiative en dépit de ses 20 ans accomplis. Sous cette sorte d'hébétude accoutumée, Paul Matou, qui savait bien les femmes pour les avoir beaucoup étudiées, avait découvert une jolie candeur et un charme réel. La jeune fille était jolie, douce et fraîche. Sa dot de 200 000 francs était la même que celle que donnaient les Matou de la Mayonnaise à leur fils. D'autre part, il s'embêtait de toutes ses forces sous le toit paternel. Il savait ne pouvoir s'en évader que par le mariage, et Pont-sur-Orne ne regorgeait pas de jeunes filles. C'est ainsi qu'après avoir longtemps regardé autour de lui, il n'avait aperçu que Sylvie Dumanet qui put lui convenir. Il l'avait examinée, étudiée, et sa conviction était que, loin de l'œil menaçant de sa mère, la jeune fille deviendrait une femme gentille et suffisante à satisfaire les aspirations et les rêves conjugaux où, raisonnablement, il avait pris le parti de borner sa vie future. Et Sylvie Dumanet, stupéfaite et flattée d'être demandée en mariage par le jeune homme le plus chic de Bons-sur-Orne, elle à qui sa mère avait persuadé qu'elle était une sorte d'idiote disgraciée de la nature, avait accepté sans même réfléchir l'aubaine inespérée qui lui tombait du ciel. Les Matou de la Mayonnaise trouvaient à peu près bon le choix de leur fils. M. Matou était légèrement froissé de voir son noble nom accolé à ce nom légendaire et ridicule de Dumanet. Mais il ne fallait pas être trop difficile si l'on voulait marier Paul dans le pays. Le père Dumanet était ravi sans aucune arrière-pensée, parce que, sans oser protester jamais, il s'apercevait très bien que sa fille était victimée. Il se réjouissait à part lui de l'avoir échappé au joug sous lequel il resterait sans murmurer, mais qu'il connaissait trop bien pour n'en pas concevoir toute l'horreur. Et puis il n'était pas fâché non plus de la rage qu'il devinait en l'âme de sa femme. Il la voyait bouillonner, et il prenait à ce spectacle un plaisir inavoué et infini. Ce faible, ce dominé, était reconnaissant à la Providence de distribuer à propos une gifle au bon endroit. Très modeste, très bête aussi, M. Dumanet avait cette sorte d'instinct qui donne souvent à l'animal plus de discernement qu'à l'homme, et il savait par cœur ce qui tenait lieu d'âme à Mme Dumanet. Il comprenait fort bien que, furieuse au fond de voir sa fille faire un beaucoup plus mariage que celui qu'elle avait fait elle-même jadis, elle consentait néanmoins d'assez bonne grâce, parce qu'il fallait marier Sylvie, et que la mariée, en embêtant les autres mères de Pont-sur-Orne, était chose très douce à son cœur. M. Matou de la Mayonnaise ne consultait jamais sa femme. Il ordonnait et n'avait pas souvenance qu'un ordre de lui n'eût pas été exécuté. Dès qu'il eut décidé de suivre Paul à Paris, il déclara « Nous partons ». Et Mme Matou de la Mayonnaise répondit oui, sans même demander où l'on allait. Quand, plus tard, elle connut le but du voyage, elle loua sans réserve M. Matou de la bonne idée qu'il avait eue d'accompagner Paul et de le garer des embûches parisiennes. Jamais Mme Matou de la Mayonnaise n'était allée à Paris. Elle l'ignorait de toute son âme de petite fille bien sage et que jamais n'avait remué la moindre velléité de curiosité profane. Paris, que du fond de sa province elle entrevoyait sous les plus noires couleurs, lui inspirait surtout de la terreur, une terreur irraisonnée et bébête. Les farces que son fils avait jugées à propos d'y faire avaient augmenté et justifié un peu cette crainte du redoutable inconnu. Elle tremblait à la pensée de se trouver, elle aussi, exposée à tous ces dangers multiples et imprécis, mais elle s'actionnait de son mieux, se répétant qu'il fallait courir ces dangers pour en pouvoir protéger son cher Paul. Une seule chose l'inquiétait sans qu'elle l'eût voulu dire, et cette chose, c'était le constant voisinage de Madame Dumanet, la Dumanet comme on disait volontiers à Pont-sur-Orne. De tout temps, la bonne ménagère bien pot-au-feu, bien pensante et bien pieuse, qu'était Madame Matou de la Mayonnaise, avait eu une peur abominable de ce qu'on appelait la séduction de la belle Joséphine. Elle connaissait, de reste, les faiblesses de M. Matou, et elle savait que si ses faiblesses étaient restées sans effet formel, c'est grâce à l'impossibilité où des gens du monde, épluchés et surveillés, se trouvent en province lorsqu'ils veulent mal faire. Or, elle était pleinement convaincue que Mme Dumanet ne demandait que ça, et que seule la difficulté matérielle avait empêché ce qu'elle considérait comme une catastrophe. Mais à Paris, qu'allait-il se passer, grand Dieu? Puis elle réfléchit que l'on ne se séparerait guère tous les six et que, quant à elle, elle ne lâcherait pas d'une semelle la redoutable Mme Dumanet. C'est que, à ses yeux ingénus d'épouse très fidèle et très trompée, la Dumanet symbolisait le vice, l'élégance et la séduction. Cette grande femme maigre, aux traits durs, au visage raviné, avait, croyait la bonne Madame Matou, le don de plaire toujours et quand même, aussi bien aux fonctionnaires les mieux en cours et les plus arrivés qu'aux élèves de rhétorique du lycée de Pont-sur-Orne. Souvent, alors qu'elle n'était pas arrivée à l'âge où l'on renonce à tout presque sans regret, Madame de la Mayonnaise avait envié les allures catapultueuses et la marque douteuse mais attirante de la belle Joséphine. Il lui semblait que Madame Dumanet, qui n'avait que 5 ans de moins qu'elle, était encore une jeune femme, tandis qu'elle se trouvait elle-même tout à fait vieille. Et la bonne et simple grosse créature boulotte qu'elle était se prenait à envier ardemment les succès qu'elle attribuait à la future belle-mère de son fils. Elle se disait, bonne comme toujours et avant toute chose, que c'était certainement par sa faute que Pamphile s'était détaché d'elle depuis si longtemps et avait offert ailleurs son cœur, ou ce qui lui en tenait lieu en toutes circonstances. Elle disait offert seulement, parce que Ponsorn lui semblait peu propice aux épanchements, mais elle se promettait à Paris de surveiller autant que cela serait en son pouvoir. En apprenant que ses parents seraient du voyage, Paul Matou fit un nez. Certes, il aimait bien ses parents, sa mère surtout, mais il n'éprouvait aucune joie de penser qu'il n'allait pas faire un pas sans être escorté de l'un ou même des deux auteurs de séjour. Non pas qu'il eût le projet de rien faire d'extraordinaire, ni qui pût choquer les Matou, mais tout bonnement parce qu'il pensait que la solennité de son père et les effarouchements de sa mère compliqueraient beaucoup toute chose simple en soi. Pourtant, lorsqu'il vit que cette affaire arrangée est définitivement conclue et que sa mère faisait descendre du grenier des mâles centenaires, de structures étranges et faites de barres de bois qui avaient été noires et de bandes de poils de cochon, où les poils se faisaient si rares qu'on pouvait donner des noms à ceux qui restaient, il accepta de bonne grâce, avec sa belle humeur accoutumée, le fait accompli. Il prit son parti des mâles antédiluviennes et se mit à rire en regardant la tête des bagages familiaux. Il finit même par s'amuser de la rage silencieuse où la vue des bagages en question mettait le snobisme aigu de Madame Dumanet. Ne sachant pas que se ferait le voyage, ni les uns ni les autres n'avaient retenu d'appartement. Et en ce temps d'exposition, il n'était pas facile d'en trouver encore. Depuis que le bon La Fontaine existait, les générations successives de Matou y avaient abrité leur tête et naïvement, Madame Matou, qui connaissait la tradition, proposa d'écrire pour avoir des chambres. Mais Madame Dumanet poussa des cris de putois à la pensée de demeurer sur la rive gauche. Le sous-préfet de Morteville-la-Pavée lui avait parlé d'un hôtel dans le quartier de l'Étoile, tout ce qu'il y avait de plus chic, de plus genre anglais, de plus confortable et de mieux habité. Les Matou, qui nourrissaient contre la rive droite des préventions analogues à celles que Madame Dumanet nourrissait contre la rive gauche, protestèrent bien un peu. Mais Paul trancha la question en affirmant qu'il n'existait plus aujourd'hui entre les deux rives de différence appréciable. Il fut décidé que les Dumanet partiraient les premiers accompagnés du fiancé et lorsque le gîte serait assuré, ferait signe aux Matou de la mayonnaise. C'est ainsi que par une riante matinée de juin, M. et Mme Dumanet, leur fille Sylvie et leur futur gendre Paul, s'embarquèrent à Pont-sur-Orne, conduits à la gare par M. et Mme Matou de la mayonnaise et accablés par eux de recommandations. Il fallait chercher bien vite un logis. L'exposition ouverte depuis le 14 avril devait déjà décroître. Sa fraîcheur devait se ternir. Si l'on voulait voir encore quelque chose, il était nécessaire de se hâter. Deux jours plus tard, une dépêche arrivait à la mayonnaise. « Venez, vous attendrez au train de 5 heures pour vous amener au hôtel Splendide. Vous embrasse, Paul. » En empilant méthodiquement dans les vieilles malles poilues leurs modestes défroques, les Matou s'interrogèrent ravis et un peu inquiets. Un hôtel splendide, ce serait cher. Bah, une fois n'est pas coutume. Et le père Matou s'en fut à la Société Générale de Pont-sur-Orne prendre les 20 000 francs qui devaient acheter la corbeille et payer le voyage. Puis le lendemain, sa femme et lui prirent le train et tombèrent à 5 heures dans les bras de Paul qui, sur le quai de la gare Saint-Lazare, les attendait affectueux et narquois.